إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 6 aujourd'hui dans l'explication du livre يعني au sujet des fitan, al-fitna wa mawqif al-muslim minha du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Aqil. Et donc on continue toujours dans l'explication des différentes causes des fitan et des problèmes et des épreuves qui se produisent dans la umma. Et donc maintenant le point auquel on est arrivé, c'est as-sabab ar-rabi' al-khuruj 'ala awliya'i umur al-muslimin wa munaza'atihim wa munaza'atihim ma bayna aydihim aw ma bi aydihim bi hujjat al-amr bil ma'ruf wal nahy 'an al-munkar. C'est-à-dire la cause numéro 4 dans parmi les causes des fitan, parmi les causes des différentes épreuves et des différentes tentations et des différentes tribulations qui se produisent dans la Umma, il y a par exemple la rébellion et le fait de sortir contre les dirigeants, contre les responsables des musulmans et de leur disputer ce qu'ils détiennent comme autorité et ce qu'ils détiennent comme commandement, en utilisant comme excuse ou comme prétexte ou comme argument le fait de vouloir ordonner le bien et de vouloir interdire le mal. Et ça, c'est la shubha de la plupart des gens de bid'ah aujourd'hui, parmi les khawarij et parmi les mu'tazila, lorsqu'ils appellent à la rébellion et à se révolter ou à manifester contre les dirigeants, ils utilisent comme argument l'argument de vouloir ordonner le bien et de vouloir interdire le mal. Et donc, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est qu'ils vont mentionner les textes du Coran et de la Sunna qui appellent à ordonner le bien et à interdire le mal. Et les hadiths qui disent, par exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Donc ils vont mentionner des hadiths qui sont des hadiths généraux, des hadiths qui ne sont pas spécifiques aux dirigeants, puis ils les mentionnent de façon générale et ils les appliquent aux dirigeants par la suite sans prendre en considération les autres hadiths qui ont été mentionné de façon spécifique au sujet de ne pas se rebeller contre les dirigeants et ne pas sortir contre eux. Et ça, c'est la façon des Khawarij et des Mu'tazila et des gens de Bid'a en général, certains d'entre les Salaf ont dit Ahlul Ahwa kulluhum Khawarij, c'est-à-dire les gens de passion, les gens de désir, les gens de la bid'a, ils sont tous des khawarij, sans exception. لأنهم كلهم اتفقوا على السيف. Ils se sont tous mis d'accord sur l'utilisation de l'épée. Donc les Rafida, Shia Rafida, les Khawarij, les Mu'tazila et la plupart des autres groupes de Bid'a, ils se sont tous mis d'accord sur l'épée et sur le fait de sortir contre les dirigeants. Hein? Donc on peut dire en réalité que c'est la réalité de toutes les sectes, de toutes les tendances et de tous les groupes de Bid'a. Et ça, c'est quelque chose qui vient en opposition avec la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc on ne peut pas utiliser l'argument de vouloir ordonner le bien et de vouloir interdire le mal pour justifier hein, les rébellions et les révoltes qui sont faites contre les dirigeants. Puisque la voie d'Ahlus Sunna, c'est de prendre tous les textes et de les ramener ensemble pour essayer d'arriver à la compréhension du verdict correct. Et non pas de prendre un texte ou un hadith et de le frapper contre un autre texte ou un autre hadith hein, pour essayer de justifier nos passions et nos désirs comme le font les gens de Bid'a, Allah al-Musta'an. Donc c'est l'exemple des gens comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran qui suivent ce qui est mutashabih dans le Coran et qui laissent de côté ce qui est muhkam, ce qui est clair, ce qui est explicite et qui suivent qu'est-ce qui est équivoque et qui peut être interprété. Donc ça fait partie des exemples. Et ça, on peut dire que c'est une introduction par rapport à qu'est-ce qui va suivre des paroles du Cheikh Mohamed Al-Aqil. Parce qu'on sait tous qu'en ce moment, il y a différentes fitanes qui se passent dans certains pays musulmans en ce moment. Et les ulama, alhamdoulilah, ils ont clarifié le verdict au sujet de ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire. Alhamdoulilah, mais il y a toujours des égarés, des ignorants qui veulent parler sans science et qui veulent opposer les paroles des ulama. Hein, donc, alhamdoulilah, et dernièrement, il y a des frères qui m'ont contacté et qui me demandaient est-ce que tu pourrais répondre à certaines d'entre ces personnes qui ont écrit des choses, qui diffusent ça sur des forums hein, et qui appellent les gens à contredire les fatwas des ulama. Et yani, étant donné que j'ai vu que ça commençait à se propager, il y a des frères qui m'ont poser la question. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à un frère qui est justement en Arabie Saoudite en ce moment pour qu'il pose la question au shuyukh à ce sujet-là. Est-ce que ça vaut la peine de leur répondre, ces gens-là, au sujet des shubuhat qu'ils mentionnent et des choses de ce genre? Et le frère a posé la question au cheikh Mohamed ibn Hadi. Et le cheikh, il a dit, ces gens-là, ils font que du tashwish. Et il dit, si vous voulez leur répondre, vous leur envoyez les, vous leur mettez les fatwas des ulama, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, hein, et ça devrait suffire pour eux si ils veulent la vérité. Parce que souvent, qu'est-ce qu'ils essaient de faire croire aux gens, c'est que c'est Cheikh Mohamed Ibn Hadi Al-Madkhali, et depuis qu'ils voient le nom Madkhali, ça y est, pour eux, c'est comme, hein, ils ont déjà compris que c'était une fatwa salafia, et donc ça leur met la rage hein, et ils ne font même pas la différence entre yani, ils savent pas que le nom Madkhali c'est le nom d'une tribu et qu'il y a beaucoup de ulama qui ont ce nom là, et donc pour eux depuis qu'ils voient Madkhali c'est pas grave hein, ils pensent que c'est yani, comme une nouvelle secte, donc ils appellent les gens Madakhila s'ils suivent la sunna. S'ils suivent la voie des salafs et qu'ils répondent aux questions qui ont rapport à ces questions-là par rapport au Coran et à la Sunna, ils les appellent des madakhila. Ou bien ils les appellent des jamiya. Ou bien ils les appellent, comme certains, ils ont appelé les salafis des wahhabiya. Eh bien, ils font la même chose aujourd'hui avec le mot madkhali, madakhila. Hein. Ils donnent ces noms-là comme des sobriquets. Mais on sait très bien que, alhamdoulilah, Cheikh Rabi al-Madkhali, Cheikh Mohamed ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Zayd al-Madkhali et les autres mashaykh hein, de Ahlus Sunnah, alhamdoulilah, ils sont tous sur la même voie. Il n'y a pas de différence entre eux. Il n'y a pas de distinction entre eux. Le manhaj de Cheikh ibn Baz, le manhaj de Cheikh ibn Uthaymeen, le manhaj de Cheikh al-Fawzan, le manhaj de Cheikh al-Albani et Cheikh ibn Baz et les autres mashaykh Ahl al-Sunnah, ils sont tous sur le même manhaj, la même voie, la même ligne, la même, hein, la même compréhension qui est la compréhension des salaf al-Salih, et ils se font tous les éloges les uns des autres. Hein, et Cheikh Cheikh Rabi, il a été zaki par tous les ulama d'Ahl-Sunnah. Ils ont tous fait son éloge, hein, alhamdoulilah. Ils ont tous mentionné qu'il fait partie des hommes de science et il fait partie des ulama. Et la même chose pour le Cheikh Mohammed Ibn Hadi, qui est l'élève de la plupart d'entre les grands ulama aujourd'hui. Il a étudié avec Cheikh Ibn Baz, Cheikh Hamoud al-Touajri et Cheikh Ahmed al-Najmi et le Cheikh également Zayd al-Madkhali. Il a une ijaza de ces deux mashaykhs qu'on a mentionné en dernier, et il a donc profité de la part des grands ulama de notre époque, donc des ignorants qui viennent parler de questions qui les dépassent et commencer à essayer de créer des shubuhat pour essayer de dire que non, c'est justifié, qu'est-ce que ces gens-là font. Yani, Allah al-Musta'an, c'est des gens qui suivent leur passion et qui veulent mettre leurs opinions personnelles devant les textes du Coran et de la Sunna. Et c'est pour cette raison-là que quand ils parlent, ils disent tout le temps, il faut pas juste suivre les fatwas aveuglément, il faut retourner à notre raison, il faut retourner à utiliser un peu de jugement, et un peu de logique, un peu de compréhension. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent opposer les textes du Coran et de la Sunna en se basant sur leur compréhension, sur leur logique et sur leur jugement personnel. Et ça, c'est la base de l'égarement. Hein? Allah al-Musta'an. Bon, on va commencer tout de suite, inshallah. Le Cheikh il dit min al-usul al-mujma' alayha 'inda ahl as-sunnah wal jama'ah as-sam' wa at-ta'ah liman wallahu Allah amra al-ummah wa hadhihi at-ta'ah da'imatun fi al-manshat wal-makrah wa fi al-'usri wal-yusri wa fi al-'adl wal-jawri wa 'ala atharatin 'alayna ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Donc le cheikh il commence l'explication de ce point là en disant que parmi les fondements au sujet desquels les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a sont tous d'accord, hein, ils sont tous d'accord, il y a un consensus là-dessus, c'est le fait qu'il faut écouter et obéir à celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le contrôle et le commandement des affaires de la Ummah. Donc celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'autorité sur nous, il faut l'écouter et l'obéir. Et cette obéissance, elle est permanente. C'est-à-dire, cette obéissance, elle est permanente, c'est-à-dire dans toutes les situations. Il n'y a pas d'exception par rapport à cette obéissance. C'est-à-dire que ce soit dans les moments de force, de motivation, ou bien dans les moments dans des choses qui sont plaisantes pour nous, qu'on aime, qui sont motivantes, ou des choses qui sont déplaisantes, dans la facilité, lorsqu'on a de l'aisance, ou lorsqu'on a des difficultés, ou bien que ce soit lorsque ce dirigeant il est juste, et lorsqu'il est injuste, et à la atharatina alayna, c'est-à-dire même si ces dirigeants-là, ils se donnent des privilèges sur nous, et ils s'accaparent des biens de la dunya à notre dépens, et qu'ils prennent des richesses pour eux-mêmes, et qu'ils privent ceux qui ont un droit à ces richesses-là de leurs droits, et qu'ils font de l'injustice, et bien malgré tout ça, il faut que le musulman il continue à écouter et obéir à ce dirigeant-là, tant que ce dirigeant-là ne lui ordonne pas de commettre un péché. S'il ordonne de faire un péché, alors on n'a pas à l'obéir dans ce péché-là et dans cette désobéissance. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature pour les choses qui ont rapport avec la désobéissance du créateur. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Donc c'est-à-dire que le dirigeant, s'il est injuste et s'il fait du mal et s'il fait du tort, il faut l'obéir. Il faut continuer à écouter et obéir à son commandement. C'est pas parce que il y a de la pauvreté, c'est pas parce qu'il y a de l'injustice que ça justifie le fait de se rebeller ou de cesser de l'obéir. La seule chose dans laquelle on n'a pas le droit de l'obéir, c'est dans le péché et dans qu'est-ce qui est haram. Donc si le dirigeant, il t'ordonne, il dit par exemple, bois de l'alcool, tu l'obéis pas. Si le dirigeant, il te dit, va tuer quelqu'un, tu dis non, je ne le tue pas, parce que si c'est quelqu'un que Allah m'a interdit de tuer, j'ai pas le droit de le tuer. Hein? La même chose pour tous les autres aspects. Le dirigeant dit à la femme, tu t'enlèves pas, tu enlèves ton hijab. Et elle dit, non, j'enlève pas mon hijab. Parce que c'est l'ordre d'Allah. Et ainsi de suite. Tu obéis dans le halal, tu désobéis dans le haram. Le contraire de ce que la plupart des musulmans font aujourd'hui dans les pays musulmans, qui obéissent dans le haram et qui désobéissent dans le bien. Et ça, c'est la réalité de ce qu'on constate aujourd'hui. Hein? Allahul Musta'an. Donc, tant que le dirigeant n'ordonne pas un péché, hein, dans ce péché-là, il faut lui désobéir. Mais dans le reste de ce qu'il ordonne de bien, il faut continuer à l'obéir. Hein? Et le hadith qui spécifie et qui dit, par exemple, « Illa an tara kufran bawahan fihi min Allahi burhan » excepté pour un kufr clair au sujet duquel vous avez, hein, à son sujet, une preuve, hein, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et bien ça, c'est lorsque le dirigeant a prononcé ou a dit une parole de kufr claire et apparente. Hein, et donc dans ce cas-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans ce cas-là, vous pouvez, hein, prendre les armes contre eux ou bien les enlever. Mais encore là, les ulama, ils ont mentionné qu'il y a des conditions à ça et que c'est pas n'importe quand ou n'importe comment. Hein, il faut que, bien entendu, il ne faut pas que ça crée un mal plus grand que le mal qu'on veut enlever. Il ne faut pas que ça va, il ne faut pas que ça fasse couler le sang des innocents, le sang des musulmans. Il ne faut pas que ça crée plus de problèmes que celui qu'on veut enlever. Et donc, dans ces cas-là, les ulama disent que si ça va créer plus de tort que le tort qu'on veut changer lui-même, alors dans ce cas-là, ça devient haram de prendre les armes contre lui ou bien de le retirer du pouvoir. Hein? Et donc ça, c'est une réalité que les gens de Bid'a aujourd'hui, hein, les Khawarij, les Mu'tazila et les gens qui suivent ces tendances-là aujourd'hui, hein, ou bien qui suivent la compréhension des socialistes ou des communistes ou des autres groupes parmi les koufars qui ont ramené ces idéologies-là, eh bien, on voit que ceux-là, ils ne prennent pas en considération les bienfaits et les méfaits. Et ils pensent que tous les hein, comme ils disent, al-ghaya tubarrir al-wasila, c'est ça leur motto, c'est ça leur fondement, c'est-à-dire que la fin justifie les moyens. C'est ça qu'ils ont comme principe. Hein? C'est ça qu'ils ont comme principe. Et Allah al-musta'an, ça c'est dommage parce que c'est la base de l'égarement. Parce qu'ils disent le but, c'est pas important le moyen qu'on utilise, l'important c'est l'objectif. L'objectif c'est d'enlever ce dirigeant-là, même si c'est d'une façon qui est contraire à la charia, c'est pas grave. Même si c'est en contradiction avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas grave. Même si c'est une façon qui est contraire à la voie des salafs, as-salih, c'est pas grave. L'objectif c'est ça le plus important, et notre objectif c'est de l'enlever, alors après, c'est pas grave de quelle façon on le fait. Donc, premièrement, si tu le fais pas de la façon que Allah accepte, ce sera pas accepté d'Allah. Ça, c'est de un. Donc, si tu fais quelque chose dans l'islam, il faut que ce soit pour Allah, premièrement. Et deuxièmement, comme la façon que Allah accepte et aime. Ça, c'est la définition de l'adoration. Hein, et c'est les conditions pour que l'adoration soit valable. Mais si tu le fais pas de cette manière-là, eh bien, ça veut dire que tu fais pas qu'est-ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu n'as aucune récompense de ce que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sera rejeté, qu'est-ce que tu fais. Hein? Parce que tu l'as pas fait pour que ce soit en accord avec l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça, déjà, on voit qu'en partant, l'intention est pas sincère chez ces gens-là. Et qu'ils ne recherchent pas le visage et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, les résultats qu'ils veulent atteindre, ils ne vont jamais les atteindre. Et ça, on va voir dans les paroles du Cheikh. Le Cheikh dit, wa qala al-Tahawi rahimahullah, wa la nara al-khuruj ala a'immatina, wa wulat umurina, wa in jaru, wa la nad'u alayhim, wa la nanzi'a yadan min ta'atihim, wa nara ta'atahum min ta'atihi. من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية ولا ندعو له وندعو لهم بالصلاح والمعافاة وندعو لهم بالصلاة بالصلاح والمعافاة. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Tahawi, l'imam al-Tahawi qui est un des imams parmi les imams de Ahl al-Sunnah, parmi les imams des Salaf al-Salih. Et il dit dans sa aqidah qui est très célèbre, la aqidah al-Tahawiyya, dans laquelle il résume la aqidah d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, la aqidah des Salaf, il dit, et nous ne sommes pas d'accord avec la rébellion, avec la rébellion contre nos dirigeants et contre les responsables de nos affaires, même s'ils font de l'injustice. Et nous n'invoquons pas contre eux, nous ne faisons pas des invocations ou des doigts contre eux. Et nous ne retirons pas notre main de leur obéissance. Et nous sommes nous sommes en accord avec le fait de leur obéir dans l'obéissance d'Allah. Et nous croyons que c'est une obligation, tant qu'ils n'ont pas ordonné de désobéir à Allah. C'est-à-dire tant que ce n'est pas un péché. S'il nous ordonne un péché, dans ce cas-là, on désobéit dans ce péché-là seulement. Mais on continue à obéir dans le reste de ce qu'il ordonne qui est bien. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux qu'ils soient bons et qu'ils soient épargnés et pardonnés du mal. Épargnés du mal et pardonnés de leurs péchés. Donc ça c'est l'attitude des gens de la sunna vis-à-vis des dirigeants. Et lorsque vous regardez le discours de certains aujourd'hui, que ce soit des imams de mosquée, ou que ce soit des prêcheurs, ou que ce soit des gens qui parlent au nom de l'islam, et parfois même ceux qui se prétendent, même salafis, qui disent des choses qui sont en contradiction avec qu'est-ce qu'on vient de lire maintenant, parmi les paroles de l'imam al-Tahawi, eh bien on voit que ça c'est des gens qui n'ont pas compris la voie des salafs, et qui ne suivent pas la voie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Et cette parole qu'on a lue de l'imam al-Tahawi maintenant, ce n'est pas la position qui se limite à celle de l'imam al-Tahawi. Le cheikh il a mentionné juste cette parole de l'imam al-Tahawi comme un exemple. Mais sinon, si on retourne dans tous les livres qui ont été écrits par les imams d'Ahl al-Sunnah et qui résument la croyance et le manhaj des gens de la Sunnah, on remarque qu'ils sont tous d'accord avec ce principe-là et ce fondement-là. Peu importe qui, que ce soit l'imam Ahmad, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, et que ce soit les autres imams qui étaient avant eux, qui étaient leurs chouyours, ou bien que ce soit l'imam al-Bukhari, ou Muslim, Abu Daoud, al-Tirmidhi, al-Nasa'i, Ibn Majah, dans leurs livres, ils ont tous mentionné ces paroles-là. Et la même chose pour les autres imams d'Ahl al-Sunnah qui sont venus par la suite, comme l'imam al-Barbahari et l'imam al-Sabuni et les autres imams qui sont venus par la suite, ils ont tous confirmé ce principe-là qui dit qu'on ne doit pas prendre les armes contre nos dirigeants et on ne doit pas se rebeller contre eux, même s'ils font de l'injustice et ainsi de suite. Et de faire preuve d'endurance et de patience face à l'injustice de nos dirigeants, ça fait partie des fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et si quelqu'un contredit les gens d'Ahl al-Sunnah dans ce fondement-là, il sort de la voie des gens de la Sunnah, il devient un mubtadi', parmi les gens de la passion. Le cheikh il dit ensuite, ففي هذه الجملة الوجيزة من المعتقد فوائد عظيمة تبين عمق فهم السلف الصالح رحمهم الله في هذا الباب الخطر وحرصهم على سلامة الأمة وبعدهم عن كل سبب يؤدي إلى تفرقهم وفساد حالهم. Donc le cheikh il dit que dans cette petite phrase, dans cette petite parole qu'on vient de mentionner, parmi les explications de ce qui a rapport avec la croyance d'Ahl al-Sunnah, il y a des bienfaits qui sont énormes et immenses et qui nous expliquent et qui nous clarifient la profondeur de la compréhension de nos salaf al-salih rahimahumullah dans cette question qui est très dangereuse, qui est la question de nos dirigeants et de l'obéissance aux dirigeants. Et on voit à quel point ils sont motivés, ils font des efforts, hein, ils ont le désir de préserver la Ummah de tout ce qui peut leur faire du tort, hein, et à quel point ils s'éloignent de toute chose qui pourrait être la cause de notre division ou de la corruption de notre situation et de notre état. Le Cheikh il dit ensuite, فقوله رحمه الله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا يبين أن الطاعة ملازمة في الحالين العدل والجور لأن جورهم مع اجتماع الأمة خير من تفرقها شذر مذر دون إمام. Donc le Cheikh il dit, et la parole de l'imam, rahimahullah, hein, lorsqu'il dit nous ne sommes pas d'accord avec le fait de sortir contre nos dirigeants et de se rebeller contre nos dirigeants et contre les responsables de nos affaires, même s'ils font de l'injustice, ça clarifie, hein, que l'obéissance aux dirigeants, elle doit être permanente et on doit rester sur cette obéissance-là dans toutes les situations, dans les deux états, que ce soit l'état d'un dirigeant juste ou l'état d'un dirigeant injuste, parce que leur injustice, elle est meilleure pour la Ummah que le fait d'être sans cette injustice-là, mais d'être tous divisés sans un responsable ou sans un dirigeant qui gère nos affaires. Donc le fait d'être unis, hein, c'est mieux pour nous, malgré qu'il y a de l'injustice, que d'être divisés et d'être tous, hein, séparés sans avoir un dirigeant qui nous unit. Et ça, c'est quelque chose que les gens de Bid'a ne prennent pas en considération et ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez dans ces affaires-là, hein. Et au lieu de ça, ils cherchent quoi aujourd'hui? Ils cherchent à établir la démocratie. Et la démocratie, c'est quoi? C'est la division du peuple. La démocratie, c'est la division du peuple. Que chaque peuple s'attache à un parti et chaque parti combat pour essayer de prendre le pouvoir et d'atteindre le plus grand nombre de sièges. Et sans parler du reste qui est encore pire, c'est-à-dire d'essayer de rendre halal ce qui est haram ou de faire des votes pour légaliser ce qui est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala et de légiférer en dehors d'Allah qui est un couvre plus grand, hein, encore. Donc ça c'est grave. Et le Cheikh il dit ensuite, وقوله ولا ندعو عليهم فيه من دقة الفهم الشيء العظيم وفيه أن الطاعة تكون في السر والعلن وأن من حق الإمام أن يدعى له بالصلاح والهداية وأن الدعاء عليه مخالف لمذهب السلف الصالح بل هو نوع من الدعوة إلى تفريق الأمة وإهانة سلطانها وملء قلوب العوام ضده بما لا فائدة فيه للأمة. Donc le Cheikh il dit, et ensuite il dit la parole de l'imam al-Tahawi lorsqu'il dit, et nous ne faisons pas de dua contre eux. Et ça, on voit ici la subtilité dans la compréhension, hein, qui est une chose qui indique quelque chose de très grand, hein, qui indique à quel point ces imams de la sunna et ces imams des salaf ont une grande compréhension de l'islam et des textes, hein, et de la réalité de qu'est-ce qui se passe dans cette dunya aussi. Et il y a dedans, dans cette parole, le fait que il faut leur obéir dans ce qui est caché et dans ce qui est divulgué, c'est-à-dire dans ce qu'on dit en privé ou dans ce qu'on fait ouvertement et dans ce qu'on dit des paroles ouvertes. C'est pas que tu obéis dans l'apparence puis qu'en cachette tu insultes ou tu critiques ou tu fais des doigts contre, le dirigeant. Non, tu dois être yani, fidèle à son obéissance et tu dois invoquer pour ce dirigeant-là, que tu sois dans un lieu caché ou privé, ou que tu sois devant les gens, tu dois invoquer pour le bien et demander du bien pour ce dirigeant-là et non faire des invocations contre ce dirigeant-là ou invoquer contre lui. Et il dit que parmi les droits de ce dirigeant-là, c'est qu'on invoque pour lui, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, pour que Allah subhanahu wa ta'ala le rende bon et le rende meilleur, et que, pour que Allah subhanahu wa ta'ala le guide. Hein? Et que de faire des du'as contre le dirigeant, c'est quelque chose qui est en contradiction avec le madhhab des salaf salih. Et en réalité, c'est une sorte d'appel à la division de la umma et au fait de rabaisser et d'humilier le dirigeant. Et c'est une manière également de remplir le cœur du commun des musulmans, de la masse, contre le dirigeant, pour les amener vers des choses qui n'ont aucun bienfait pour eux. Et donc ça, c'est quelque chose de grave que beaucoup de gens aujourd'hui ne réalisent pas. Hein? Et donc souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est ça. On va voir plus de détails par la suite. Et le cheikh dit « ثم قال رحمه الله ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة فهذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. Donc le cheikh il explique, il dit que ensuite l'imam al-Tahawi rahimahullah il dit et nous considérons que nous voyons que leur obéissance fait partie de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est une obligation dans l'islam d'obéir à ces dirigeants là c'est-à-dire de leur obéir dans le bien. Et la preuve de ça, c'est dans les textes de la charia. Hein, les textes de la charia prouvent cela également. Comme le verset 59 dans Surat al-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et le cheikh, il mentionne ensuite le hadith de Abi Huraira, radiallahu anhu, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui m'obéit a obéi à Allah et celui qui me désobéit a désobéi à Allah. Donc ça, c'est la preuve que celui qui n'obéit pas à la sunna et que ne suit pas la sunna, il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Celui qui dit, moi je suis seulement le Coran, je ne suis pas la sunna, ou bien qui pense qu'on peut désobéir à qu'est-ce qui est dans les hadiths et que qu'est-ce qu'il faut obéir, c'est seulement qu'est-ce qui est dans le Coran. Il y a la preuve ici que ça c'est faux. Il dit, celui qui m'obéit, il a obéi à Allah, et celui qui me désobéit, il a désobéi à Allah, et celui qui obéit au dirigeant, il m'a obéi, et celui qui désobéit au dirigeant, il m'a désobéi. Donc le fait de désobéir au dirigeant musulman, c'est une désobéissance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Bien entendu, lorsque le dirigeant appelle au bien ou ordonne le bien, il faut l'obéir dans le bien. Hein? Et c'est ça que ça signifie. S'il nous ordonne un péché, dans ce cas-là, on désobéit dans ce péché-là seulement, mais pas dans le reste de ce qui est bien, de ce qu'il ordonne. Hein? Ensuite, le cheikh dit, « Wa qawluhu rahimahullah, wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afa, ta'kidun lima sabaqa, من عدم جواز الدعاء عليهم في السر والعلن لما في صلاحهم من خير الأمة والنصوص في وجوب طاعة السلطان وتحريم الخروج عليه أو الإعانة على ذلك باليد واللسان أو نحو ذلك كثيرة مشهورة وليس المراد جمعها وإنما المقصود بيان خطورة مخالفة هذه النصوص وما أجمعت عليه الأمة من وجوب طاعتهم. Donc le Cheikh il dit ensuite, et ensuite l'imam al-Tahawi rahimahullah il dit, et nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, c'est-à-dire nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous faisons des du'as à Allah subhanahu wa ta'ala pour les dirigeants, en demandant à Allah de les rendre bons et de les épargner du mal. Et ça c'est pour confirmer ce qu'on a dit précédemment, du fait qu'il faut faire des du'as pour eux, que ce soit en cachette, ou de manière divulguée, ou à haute voix, ou en secret, ou publiquement, ou en secret, ainsi de suite. Et pourquoi ? Parce que dans le fait que ces dirigeants-là soient réformés et dans le fait qu'ils soient bons, il y a un bien pour la Ummah en général dans ça. Donc le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils soient des bons dirigeants, il y a dans ça un bien pour toute la Ummah en entier. Donc il n'y a pas de bienfait à faire des invocations contre eux, et à essayer de ramener le cœur des gens contre les dirigeants. Ça, au lieu de ramener du bien, ça ramène du mal pour toute la Ummah. Contrairement à ces Khawarij maintenant, il y a des gens qui suivent leur manhaj, des fois par ignorance, ils penchent vers cette tendance parce qu'ils ont été éduqués sur la compréhension incorrecte de l'islam qui est inspirée par la voix des Ikhwan aujourd'hui. Parce que la plus grande partie de ces idéologies-là, aujourd'hui la secte des frères musulmans fondée par Hassan al-Banna, c'est une des voies d'égarement parmi les plus grandes formes d'égarement à notre époque qui a ouvert la porte à la propagation de la voie des Khawarij dans la Ummah. Parce que les gens de Ahlus Sunnah, ils n'ont pas ces tendances ou ces idéologies-là. Mais ces idéologies-là, elles se sont propagées parmi les musulmans de Ahlus Sunnah par la voie de ces groupes d'égarement, comme les groupes des frères musulmans, ou bien les gens qui suivent ces tendances-là, comme Hassan al-Banna, et Sayyid Qutb, et tous ceux qui sont sur la voie de ces gens-là, et qui ont été inspirés par ceux-là par la suite, qui ont suivi autre que la voie d'Ahlus Sunnah. Et ça, c'est bien entendu des voies d'égarement. Et il faut faire attention à ces gens-là parce que c'est ça qu'ils ont eu comme compréhension. Et beaucoup des gens à notre époque qui ont commencé à pratiquer l'islam à un certain moment donné, et surtout dans les pays, arabes, Allah Musta'an, ils ont beaucoup été influencés par des gens comme Cheikh Kishk, ce qu'ils appellent Kishk, qui était un parmi les prêcheurs des Ikhwan, et qui passait son temps à parler contre les dirigeants sur le minbar. Et faire des cassettes sur... Il faisait une cassette sur chaque fois qu'il parlait, il faisait une cassette sur un dirigeant en particulier, commençait à mentionner ses péchés et appelait les gens à la rébellion ou à la révolte contre eux. Et beaucoup de jeunes, ils ont connu la religion à leur époque, dans les pays musulmans, par l'intermédiaire de ces gens-là. Et c'est comme ça qu'ils ont appris leur religion incorrectement. Et aussi les autres tendances aussi des takfirines qui ont été inspirées par les Ikhwan et par les gens qui suivent ces tendances-là. Et on voit aujourd'hui les résultats de ça avec Al-Qaïda, le groupe des terroristes qui prétendent faire le djihad au nom de l'islam contre les dirigeants musulmans, ainsi de suite. Tout ça, c'est la voie des Khawarij qui ne fait que se propager encore plus. Le Cheikh il dit ensuite, et les textes au sujet de l'obligation d'obéir aux dirigeants et l'interdiction de se rebeller contre lui ou d'aider quelqu'un à se rebeller contre lui, que ce soit avec la main ou par la langue, eh bien ils sont très nombreux. Il y en a plein de hadiths à ce sujet-là. Il y a plein de textes de la révélation qui sont clairs et explicites au sujet de l'interdiction hein, de sortir contre eux ou de se rebeller contre eux ou d'aider quelqu'un à le faire, soit par la main ou par la langue. Hein? Et les paroles à ce sujet-là sont, et les hadiths à ce sujet-là sont très nombreux et ils sont très célèbres et très connus. Hein? Dans Sahih Muslim, il y a une quantité innombrable de hadiths de ce genre qui critiquent les Khawarij et qui ordonnent l'obéissance aux dirigeants. Dans Kitab al-Zakat, vous avez la critique des Khawarij, hein, les hadiths qui parlent contre les Khawarij dans Sahih Muslim. Et dans le livre de Al-Imara, hein, le livre qui parle de, des dirigeants et de l'obéissance aux dirigeants dans Sahih Muslim. L'obligation d'obéir aux dirigeants, elle est claire dans ces chapitres. Hein? Et dans Sahih al-Bukhari, et dans Sahih, dans Sunan Abu Dawud, et al-Tirmizi, et al-Nasai, et Ibn Majah, dans tous les Sunan, vous avez ces hadiths. Et dans les livres de la Sunna, de l'imam Ahmad, la Sunna de l'imam Abdullah ibn Ahmad, la Sunna de l'imam Ibn Abi Asim, la Sunna de l'imam Al-Khalal, la Sunna, hein, de l'imam Al-Barbahari, Sharh Al-Sunna, et tous les autres livres des imams d'Ahl Sunna, on retrouve ces paroles-là qui sont claires à ce sujet-là. Et le but, le Cheikh dit, le but, c'est pas de tous les réunir, ces textes-là maintenant, puisqu'il y en a beaucoup, mais le but, c'est seulement d'expliquer le danger de contredire ces textes-là qui sont clairs, hein, au sujet desquels la Ummah s'est mise d'accord. D'accord, hein? C'est-à-dire l'obéissance à nos dirigeants. Et le cheikh dit un point ici qui est très important. Il dit وَقَدْ يَظُنُّ بَعْضَ مَنْ لَا فِقْهَا عِنْدَهُ أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى طَاعَتِهِمْ إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَجْلِ ذَوَاتِهِمْ وَمَنَاصِبِهِمْ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا وَلَيْسَ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ أَبَدًا. نعم نحن نحرص وننصح للأمة للأمة خاصها وعمها وحاكمها ومحكومها ونحب سلامة الجميع من كل سوء وإنما المقصود التشديد على طاعتهم أو وإنما المقصود من التشديد على طاعتهم وتحريم الخروج عليهم بأي وسيلة هو مصلحة الأمة عامة فإن ما يحصل للأمة من مخالفة ولاة أمورها والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما يفسده الأئمة بجورهم. Donc, le cheikh il explique, il dit que certaines personnes qui n'ont pas de compréhension, hein, qui n'ont aucune compréhension de la religion, ils pourraient penser que lorsqu'on est en train d'appeler les musulmans ou d'inviter les musulmans à obéir à ces dirigeants-là, ils pensent qu'on est en train de faire ça uniquement parce qu'on veut défendre leur personne ou leur position et préserver leur position seulement. Hein? Et c'est pour ça que ces ignorants, Allah Musta'an, parfois qu'est-ce qu'ils disent quand ils nous entendent, quand ils entendent les salafis qui disent aux gens on ne doit pas se rebeller contre les dirigeants, on ne doit pas faire des manifestations contre les dirigeants, on ne doit pas se révolter contre eux. Eux, ils disent, ça y est, vous travaillez pour les dirigeants. Vous êtes pour les dirigeants, vous les défendez. Hein? Ils pensent ça. Et le cheikh, il dit, nous, c'est pas ça notre but. C'est pas ça qu'on veut nécessairement. C'est pas ça qu'on veut du tout. Il dit, nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est le bien pour la Ummah, en général. Et on donne la nasiha, et on est sincère envers la Ummah, que ce soit les élites de la Ummah ou bien le commun d'entre les musulmans, que ce soit les dirigeants ou que ce soit le peuple en général. Et on veut que tous soient épargnés de tout ce qui est mal et de tout ce qui est mauvais. Et lorsqu'on fait beaucoup lorsqu'on insiste et lorsqu'on fait beaucoup d'efforts pour faire comprendre aux gens qu'il faut obéir à ces dirigeants-là et qu'il est interdit de se rebeller ou de sortir contre eux, peu importe par quel moyen, ça, c'est dans le but de l'intérêt général de la Ummah. Et c'est pour préserver la Ummah de ce qui est mauvais pour eux. Parce que les conséquences de contredire l'ordre du dirigeant et les conséquences de prendre les armes ou de se rebeller contre eux sont, sont beaucoup plus grandes, hein, sont plusieurs fois plus grandes par rapport à la corruption ou au désordre de l'injustice de ces dirigeants-là. C'est-à-dire que si on met les deux sur une balance, c'est-à-dire qu'on va mettre l'injustice de ce dirigeant-là et la corruption qu'il fait, puis que de l'autre côté, on met les conséquences négatives du fait de s'opposer au dirigeant et de se rebeller contre lui, et qu'on les met les deux sur la balance, eh bien, on voit que la corruption et le désordre qui vient de se rebeller contre les dirigeants et de sortir contre eux est plusieurs fois multiplié dans le mal. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus grand comme conséquence négative que l'injustice ou le mal que ces dirigeants-là peuvent faire. Et le bien en retourne à la fin à qui? Aux koufars. Parce que souvent, c'est les koufars qui sont derrière ces manifestations-là et ces rébellions-là, parfois et c'est parfois eux qui sont derrière et qui soufflent sur le feu de cette fitna et de cette rébellion et qui utilisent, hein, justement des gens qu'ils ont placés en dessous pour justement motiver ou attiser ce feu. Et les gens, eux, ils savent pas, parce que la masse, elle est aveugle. Et des fois, on ne sait pas qui sont derrière ces fitnes, hein. Et souvent, ça ressort toujours à la fin dans l'intérêt des koufars, dans l'intérêt des mushrikines, hein. Et vous voyez que parfois même, Allah al-Musta'an, les gens qui étaient leurs alliés auparavant, quand ils ont fini avec eux, quand ils n'ont plus besoin d'eux, ils les rejettent et ils agissent avec eux comme s'ils ne les avaient jamais connus. Hein? Et pourtant, auparavant, ils les défendaient et ils étaient leurs alliés. Mais quand ça ne sert plus à leur intérêt, c'est ça ce qui arrive. Hein? Ils utilisent ces fitanes pour prendre plus de contrôle sur les musulmans et sur la Ummah. Allah al-Musta'an. Et donc, le Cheikh, il dit, « Waqa la Cheikh al-Islam, rahimahullah, hein, » parce que dans les situations d'instabilité politique, c'est dans ces moments-là qu'eux, ils en profitent pour jouer de leurs influences et de leurs intérêts, hein, pour justement jouer avec les gens de cette façon-là. Les koufars aiment que les musulmans soient dans des instabilités politiques, hein, pour justement profiter économiquement et profiter sur d'autres plans également. Et par la suite, Allah musta'an. Il y a des choses qui arrivent qui sont plus graves. Donc le Cheikh dit, wa qala Cheikh al-Islam rahimahullah, qul man kharaja ala imami zi sultanin illa kana, il dit, wa qalla man kharaja على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هم اللذان قتلا خلقا كثيرا وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور أما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا والله تعالى لا يأمر بأمر ولا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. Donc on va traduire jusqu'ici puis on va continuer après. Donc le Cheikh il explique, il dit que l'imam Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam, il dit que peu de gens ont sorti contre leurs dirigeants, excepté que les conséquences négatives qui en ont découlé ont été plus grandes que le bien. Hein? Les conséquences négatives qui en sont découlées ont été plus grandes que le bien qu'ils ont voulu ramener. Et il donne des exemples que vous allez entendre parfois chez certains parmi les gens de bid'a ou de passion qui essaient de justifier le fait de contredire les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam en mentionnant les exemples de certains justement qui ont contredit l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils se basent sur des gens qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour justifier leur désobéissance à eux. Hein? Allahul Musta'an. C'est comme si quelqu'un, par exemple, à l'époque des tabi'in ou des tabi'in, ont inventé une bid'a ou bien sont tombés dans un péché ou ont fait une ijtihad qui était erronée s'ils faisaient partie des ulama, et eux, ils se basent sur cette erreur pour essayer de justifier l'erreur qu'ils font aujourd'hui. Et ils disent, bon, à l'époque, il y a un savant qui est né dans le deuxième siècle après la Hijra, ou dans le premier siècle, ou dans le deuxième siècle, ou dans le troisième siècle, ou dans le quatrième siècle, et lui, il a fait telle ou telle chose. Donc, si lui, il l'a fait, nous, on peut le faire, nous aussi. Nous, on dit, non, c'est pas ça la référence qu'on doit suivre. Notre référence, c'est quoi? C'est le Coran et c'est la Sunna. Et donc, on doit se référer au Coran et à la Sunna. Et on n'a pas trouvé dans le Coran et dans la Sunna l'ordre de se rebeller contre les dirigeants. Au contraire, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le Coran et dans la Sunna? C'est l'interdiction de se rebeller contre les dirigeants. Hein? Et donc, on va montrer des exemples à ce sujet-là. Donc, le cheikh, il dit, comme l'exemple, hein, il dit que ça amène des conséquences plus graves que le bien qu'ils essaient de ramener, comme l'exemple de ceux qui sont sortis contre Yazid à Médine. Hein? Il dit ça, c'est arrivé à l'époque, c'était en l'an 63 après la Hijra. L'événement qui s'est produit, que des gens ont essayé de prendre les armes contre Yazid, le fils de Muawiyah à Médine. Ou bien contre la fitna qui est arrivée avec Ibn al-Ash'ath. Hein? Et ceux qui sont sortis contre lui, Ibn al-Ash'ath et ceux qui sont sortis avec lui contre Abdul Malik en Irak. Et la fitna de Abdurrahman ibn al-Ash'ath en Irak, elle est connue. Et lui et un groupe de personnes parmi les récitateurs de Coran et parmi les savants à l'époque sont sortis contre Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ibn Yusuf. Et c'est connu que Al-Hajjaj était un homme tyrannique. Hein? Et il est sorti contre lui. Il est sorti contre Al-Hajjaj. Puis, Ibn al-Ash'ath, il est sorti contre Abdul Malik ibn Marwan. Et entre lui et Al-Hajjaj, il y a eu beaucoup de guerres et de combats. Hein? Mais à la fin, Al-Hajjaj a eu le dessus sur lui. Et yani, Al-Hajjaj a été tué, ainsi que tous ceux qui sont sortis avec lui. Hein? Donc ils n'ont rien obtenu de cette fitna. Ils n'ont rien reçu à la fin de cette fitna. Après, il mentionne et dit Ibn al-Muhallab, celui qui est sorti contre son fils à Khurasan. Ça aussi, c'est une autre fitna qui est arrivée. Hein? Lorsque Yazid Ibn al-Muhallab ainsi que sa famille sont sortis contre Yazid ibn Abdul Malik. Ça, c'est en l'an 101. Et ça s'est continué jusqu'à l'an 102. Mais l'armée du Khalifa, qui était dirigée par Muslima ibn Abdul Malik, ils ont réussi à faire terminer cette fitna par la suite. Donc ça, c'est à l'époque, hein, à la fin du premier siècle. Après la hijra, il dit wa ka abi muslim sahib ad-da'wa alladhi kharaja 'alayhim bi khurasan aidan. Donc abi muslim, c'était un des individus qui faisait partie des gens qui appelaient pour la dynastie de Bani al-Abbas. Donc il a fait des efforts pour établir la dynastie de Bani al-Abbas. Ça c'est au début des années 129 après la Hijra. Puis une fois qu'il a l'état de Bani al-Abbas s'est installé, et bien par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lui-même il a pris les armes contre le premier des khulafa de Bani al-Abbas et il a voulu essayer de disputer le commandement à Abi Ja'far al-Mansour. Puis il a été écrasé lui aussi par la suite. Donc tous ceux, la plupart de ceux qui ont pris des armes sont des dirigeants dans l'histoire de l'islam. Ils ont, la plupart d'entre eux étaient tous écrasés, comme Cheikh al-Islam il l'a mentionné. Ils ont presque tous été écrasés. Et s'ils n'ont pas été écrasés, leur règne n'a jamais duré par la suite. Donc le Cheikh al-Islam il dit imma an yughlabu, soit ils ont été écrasés, ils ont été, on a eu le dessus sur eux, ou bien ils ont pris le pouvoir un certain temps, mais leur règne n'a pas duré. Ils n'ont eu aucune conclusion bénéfique ou bonne par la suite. Il donne l'exemple, par la suite il dit que Abdullah ibn Ali et Abu Muslim, les deux qui sont sortis, ils ont tué beaucoup de gens. Puis tous les deux ils ont été tués par la suite par Abu Ja'far al-Mansour. Puis les gens de Al-Harra et Ibn al-Ash'ath quand ils sont sortis, de même que Ibn al-Muhallab et d'autres également, ils ont tous été écrasés, ils ont tous été battus, eux ainsi que leurs compagnons. Et ils n'ont pas réussi à établir ni la religion, ils n'ont rien laissé de la dunya non plus. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien ordonné, excepté qu'il a ordonné ce qui amène le bien de la dunya, ou le bien de la religion ou de la dunya. Et la réforme de la religion et de la dunya. Il n'a pas ordonné qu'est-ce qui vient en contradiction avec le bien de la religion ou de la dunya. Donc si, qu'est-ce que ces gens-là font? Ça n'amène pas à corriger et à réformer la religion ni la dunya, alors c'est pas bon. On voit que ça ramène plus de désordre et plus de corruption que ce qu'ils prétendent. وَإِنْ كَانَ فَاعِلُ ذَلِكَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ الْمُتَّقِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Même si ceux qui appellent ou qui font ces rébellions-là font partie des rapprochés d'Allah parmi les pieux ou même parmi les gens du paradis. Donc, même si c'était des gens pieux, même si c'était des savants, le Cheikh il dit parce qu'ils ne sont pas meilleurs que Ali et que Aïcha et que Talha et que Zubayr et ainsi que d'autres également radiallahu anhum. Et malgré tout, ils n'ont pas été glorifiés pour ce qu'ils ont fait comme combat. Et même ceux-là, ces nobles parmi les Sahaba-là sont meilleurs qu'eux, ils sont plus pieux qu'eux, ils ont des meilleurs intentions qu'eux et ils ont un degré plus élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'eux, que ceux qui sont venus par la suite et qui ont pris les armes contre les dirigeants, et malgré tout même eux ils n'ont pas été glorifiés pour avoir combattu lorsqu'ils l'ont fait. Il dit wa kadhalika ahlul harwa kana fihim min ahli al-ilm wad-din khalq bal wa sara dhalika sababan li sharr 'azim wa kana qatl al-husayn مما أوجب الفتن وكما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعايش والمعاد وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit de même que les gens de Al-Harra qui ont combattu contre les dirigeants à leur époque, il y avait parmi eux des hommes de science et de religion, ils étaient nombreux et ça a été une cause justement d'un grand mal par la suite. De même que par la suite, le meurtre de Al-Hussein, le fait qu'il a été tué, ça a ramené beaucoup de fitan. Et l'assassinat de Uthman également, ça a ramené beaucoup de fitan. Et donc tout ça, ça vient clarifier que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, de faire preuve d'endurance et de patience face à l'injustice des dirigeants et de cesser de les combattre et de sortir ou de se rebeller contre eux, c'est ça ce qui est le mieux à faire. Et c'est ça ce qui amène le plus de bien pour les affaires des serviteurs et des adorateurs d'Allah et des hommes sur la terre dans leur vie d'ici-bas, de même que dans leur résurrection, dans leur religion. Et que quiconque contredit cela, soit intentionnellement, il le fait volontairement ou bien par erreur, hein, eh bien, il ne va pas avoir aucun bienfait à ce qu'il fait. Bien au contraire même, ce sera la corruption et le désordre qui sera plus grand. Et donc, ici, on voit en même temps la distinction entre la personne, le cheikh, il fait la distinction ici entre la personne qui fait ça volontairement et intentionnellement ou la personne qui le fait par erreur. Et ça, c'est une chose que les gens de Bid'a aujourd'hui, ils ne comprennent pas, ils ne font pas la distinction. C'est-à-dire qu'il y a des gens, parmi les hommes de science et de religion dans le passé, peut-être qui ont été pris dans la fitna et qui ont fait une ijtihad incorrecte, hein, et qui ont peut-être sorti contre un dirigeant. Et on sait que les ulama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si ce sont des ulama et qu'ils font un jugement ou un verdict et qu'ils se trompent, ils auront une récompense au lieu de deux. Et ils seront pardonnés pour leur erreur. Comme les sahaba, quand ils ont combattu, on dit d'eux que lorsqu'ils ont combattu entre eux, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on considère que ce sont des mujtahidin et qu'ils ont fait leur effort pour atteindre la meilleure position, la meilleure réponse à leurs problèmes, et que ceux d'entre eux qui se sont trompés, ils sont excusés et pardonnés pour leur erreur, et ils ont une récompense au lieu de deux, tandis que les autres, c'est-à-dire ceux qui ont eu la bonne attitude, la bonne position, ceux-là, ils ont deux récompenses pour avoir fait une bonne ijtihad et pour avoir fait l'ijtihad elle-même. Donc, ça, c'est la position d'Ahl-Sunnah. Tandis que les autres, parmi les Khawarij et parmi les Mu'tazila et les gens de Bid'a, eux, ils font ça intentionnellement. Et non seulement ça, ils ont ça comme base et comme fondement dans leur compréhension de la religion. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux-là, les ulama qui se sont trompés, qui ont fait des erreurs, et les gens de Bid'a, qui ont établi ça comme étant leur base et leur manhaj. Et pour eux, c'est ça qu'il faut faire. Hein? Et ils justifient ça, et ils défendent ça, et ils contredisent les textes du Coran et de la Sunna, hein, volontairement. Donc ça, c'est la différence, et il ne faut pas se laisser tromper, ou mélanger, ou confondre par les gens qui essaient de mettre des shubuhat en mentionnant des exemples comme ça, en disant, oui, mais il y a certains qui ont pris les armes, hein, ou qui se sont rebellés contre les dirigeants. Hein? Est-ce que tu vas dire d'eux qu'ils sont des khawarij? Hein? Bien sûr que non, on ne va pas dire d'eux. Ceux-là parmi les ulama qui ont fait l'erreur de faire ça, on ne dit pas d'eux que ce sont des khawarij, on dit d'eux que ce sont des gens qui ont commis des erreurs et des fautes. Mais les khawarij et les mu'tazila et les autres gens de bid'a qui suivent cette voie-là et que ça fait partie de leur manhaj, de leur fondement, nous on considère que ces gens-là, ce n'est pas juste des gens qui ont fait une erreur seulement, ce sont des gens de Bid'a, et ça c'est leur méthodologie, c'est ça leur fondement, leur base, et c'est ça qu'ils considèrent comme étant la vérité et la religion, et ils considèrent que tous ceux qui les opposent dans cette voie-là sont des gens égarés, ou même des koufars, hein, ils sont prêts même à les combattre et à les tuer. Allah al-Musta'an. Donc il dit ensuite, le Cheikh dit, « وَلِهَذَا أَثْنَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى الْحَسَنْ بِقَوْلِهِ إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به فئتين عظيمتين من المسلمين ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا على مفارقة جماعة. Donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit ensuite, et c'est pour cette raison-là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de Al-Hassan, son petit-fils, Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhu, lorsqu'il a dit, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, que mon petit-fils, celui-ci, c'est un Sayyid, hein, c'est un maître, et il va réformer et il va réconcilier deux grandes portions de ma Ummah parmi les musulmans. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de Al-Hassan parce qu'il a réformé, il a réconcilié les musulmans, deux grosses portions de la Ummah. Il les a réconciliés. Et il n'a pas fait l'éloge d'aucune autre personne qui a fait un combat dans la fitna, ou bien qui est sorti contre les dirigeants, ou bien qui a retiré sa main de son obéissance aux dirigeants, ou bien qui a essayé de faire une division dans la jama'a. Il n'a accepté ou n'a fait l'éloge d'aucun d'entre ceux qui font ce genre de choses. Donc ça, c'est tiré du livre Minhaj Sunnah, hein? Et le cheikh, il mentionne cette parole de cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en résumé. Et il y en a par la suite, qu'est-ce qu'ils disent? Allahul Musta'an. Tayyib, inshallah. Donc, il y en a parmi les gens d'égarement, qu'est-ce qu'ils disent pour essayer de justifier? Ils disent, ouais, oui, c'est vrai, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a interdit aux gens de se rebeller contre les dirigeants lui aussi, et il a mentionné que c'est interdit de le faire, sauf qu'ils disent par la suite, oui, mais il a combattu contre les Mongols, il a combattu contre les Tatars, hein, qui se disaient musulmans, ainsi de suite. Et puis il ramène les paroles des ulama au sujet de At-Ta'ifatul Mubtani'a, hein, ou des groupes de la Ummah qui refusent d'établir des aspects de l'islam. C'est des gens, regardez comment ils utilisent des shubuhat. Regardez comment ils utilisent des shubuhat. Les gens qui refusent d'appliquer ou qui refusent d'appliquer ou de pratiquer certains aspects de l'islam alors qu'ils ont une force, c'est vrai qu'il faut les combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'application de ces principes-là. Hein? Sauf que les ulamas, ils ont spécifié, ils ont expliqué, il y a des règles et des conditions à ça. Hein? Premièrement, si ça s'applique si ce ne sont pas les dirigeants. Ça s'applique si ce ne sont pas les dirigeants. Et deuxièmement, non seulement ça, mais c'est que pour combattre ces gens-là, il faut les combattre avec le dirigeant. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a combattu les Tatars avec qui? Il a combattu les Tatars avec les dirigeants musulmans. Il est allé voir les dirigeants musulmans et il leur a dit, il faut combattre ces gens-là. Et eux, ils sont sortis avec, et Ibn Taymiyyah est sorti avec l'armée des dirigeants. Il n'est pas sorti tout seul. Et donc, ces gens-là, ils mélangent les choses. Et ils jettent des shubuhat aux gens pour les mélanger dans leur compréhension de la religion. Donc, les frères du centre Fouqan en Belgique, ils m'informent qu'ils vont faire le adhan dans 5 minutes. Donc, nous, on va lire juste un autre petit paragraphe. Ou bien on peut s'arrêter ici, puis continuer la semaine prochaine. On va lire ce petit paragraphe-là, puis après ça, on va terminer avec ça. Et le cheikh il dit فانظر رعاك الله وحماك من مضلات الفتن الى هذا الكلام الدقيق المبني على النصوص الشرعيه وفهم سلف الامه وفقه الواقع الذي مر بالامه عبر السنين وقد يسرع من يقرا هذا الكلام المبين إلى اتهام شيخ الإسلام بأنه مداهن لسلطان زمانه وأنه يتلقب في مناصبه ونعمه ليتقلب في مناصبه ونعمه وما درى المسكين أن هذا الإمام الذي تكلم بهذا الكلام قد ذاق من ظلم الولاة وجورهم الشيء العظيم حتى إنه مات رحمه الله مسجونا ظلما بقلعة دمشق ولم تصدر منه كلمة واحدة ولم يجمع الناس حوله ولا أو يؤلب قلوب العامة على سلطان زمانه الذي ظلمه لأنه لا ينظر إلى نفسه ولا يدعو إلى نفسه وإنما همه سلامة الأمة والدعوة إلى الله عز وجل فرحم الله وجزاه عن الأمة خير الجزاء. Donc le cheikh, il explique, il dit, regarde que Allah subhanahu wa ta'ala te préserve et te garde contre toutes les épreuves et toutes les tentations égarantes. Il dit, regardez cette parole précise qui est basée sur les textes de la sharia et la compréhension des salafs de la umma, une compréhension de la réalité par laquelle la umma a traversé, dans lesquelles la umma a traversé à travers les années. On voit que certaines personnes, par exemple, qui se précipitent, s'il lit cette parole claire de la parole de l'imam Ibn Taymiyyah, il va essayer peut-être d'accuser Cheikh l'Islam d'être une personne qui essaie de faire qui essaie de transiger par rapport aux dirigeants de son époque et qui voulait essayer d'atteindre en lui faisant plaisir en disant ce genre de paroles, en essayant d'atteindre des degrés ou des niveaux et des postes et des positions ou d'avoir des grâces de la part de ce dirigeant-là. Et cet ignorant, il ne sait pas, ce pauvre, ce miskin, ce misérable, que l'imam, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire celui qui dit une chose pareille ou qui pense que Cheikh l'Islam, il disait ça pour faire plaisir à son dirigeant, à son époque, il ignore que Cheikh l'Islam, celui qui a dit ces paroles en faveur de l'obéissance du dirigeant, il a lui-même goûté à l'injustice des dirigeants. Il a goûté à ça beaucoup à son époque. Il est même mort emprisonné injustement dans la forteresse de Damas à son époque. Et il n'a jamais dit une seule parole. Il n'a jamais essayé de ramener les gens autour de lui pour ramener le cœur des musulmans contre le dirigeant de son époque, celui qui lui avait fait de l'injustice. Parce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il ne regardait pas à lui-même. Il ne cherchait pas son intérêt à lui. Il ne cherchait pas à se défendre lui-même. Il ne faisait que inviter les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui, son intérêt, c'était uniquement que la umma en entier soit épargnée des fitanes et du mal. Donc, rahimahullah, que Allah lui fasse miséricorde et que Allah le récompense en bien pour qu'est-ce qu'il a fait de bien pour la umma. Donc, on va s'arrêter ici, inshallah, et on va continuer cette explication le prochain cours, inshallah, c'est-à-dire mercredi prochain à la même heure, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à la prochaine, inshallah.